La crappe sans foie. Viens encore les enfants. Allez, pose-toi. Roule un petit. Allez, vas-y. On est reparti pour un tour, enfoiré. Yeah, yeah, yeah. 2017, c'est mort, je vais mettre le paquet. Et ça, même si la vie n'a fait que me tacler. Hein? Par l'état dans des banlieues, on est parqué. Le destin n'a fait que blaguer. Je suis pas né pour cirer le parquet parce que cette vie de merde, je la connais par cœur. Ça détaille des plaquettes devant les braqueurs. Combien? Les miens finissent au parquet, vont braquer, sont traqués. Survivent dans l'illicite, savent qu'ils vont craquer. Hein? J'aurais beau rapper encore. Les choses changeront que si les miens s'alarment. J'aimerais que mes rap te rendent fort. Un salam au frère sur écoute, aux couscous qui font la salade. Tu prends des coups, t'entends des douilles, un monde de fous, j'veux pas ça. Leur code, leur loi, j'm'en bats les couilles, cousons, on est tous de passage. Mais des novices, on a phrase et style. Là, j'suis en train d'écraser ce titre. Combien se disent, ils doivent brasser ce type. Pour ça, faudrait que j'me travestisse. Et pourtant, l'instru, je la piétine. J'ai le flow rassé, le flow qui jette, qui tabac. Qui tabac. Flow brasier, flow chain, qui dama. Hey, la crappe sans foire, je dis que je pourrais épater Dickens. La prose est magnétique. Sur mon front, pas d'étiquette. Je te conseille d'aller cliquer. Ça fait des années que je suis à venir pas me parler de kicker. Je rappe ça comme d'habitude, tu sais. Tu sais, je rappe ça, il y a le bitume qui sait. T'es là ou pas? Hein? Monte le volume. Premier track. La crap sans foire. Volume 1. Écoute, du mec dans le game, j'ai pas la panoplie. Non, non. À force de kicker, on a acquis level. Ces médias de merde ne reflètent pas nos vies. Putain de merde. Projet, je l'ai fait pour vous, je donne ces rimes à qui les veut. Du mec dans le game, j'ai pas la panoplie, non. Non, non. À force de kicker, on a acquis level. Ces médias de merde ne reflètent pas nos vies. Ben non. Ce projet, je l'ai fait pour vous, je donne ces rimes à qui les veut. Je rappe ça comme d'habitude, tu sais. Tu sais. Je rappe ça, il y a le bitume qui saigne. Je me fous de la maille, frérot. Sur le cœur, un tas de trucs, il faut que je le dise, frérot. La crap, sans foiré. Toujours le même. Hein? Avec ou sans équipe. Maintenant tu me verras que dans mes clips. On est ensemble mes enfoirés. Plus que jamais. Merci à tous. La suite arrive. La suite est là. Allô. Ouais. Vas-y, j'arrive.